weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gameuzo, vous nous écoutez sur le 107 FM. Et comme toujours, un coucou à ceux qui nous écoutent via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Et aujourd'hui, dans la bulle, le programme est un petit peu chamboulé, donc j'ai décidé pour vous aujourd'hui de vous faire bénéficier d'une interview que j'avais menée il y a quelques temps avant mon petit bobo catastrophe, qui est maintenant bien résolu. C'est une interview que j'ai faite avec l'artiste Lane, une jeune femme qui a sorti son premier EP le 25 mai dernier. Alors, initiée très tôt à Michel Portal, Brad Meldo, ou Keith Jarrett par son père, Lane avait débuté naturellement dans les pianos bars et les clubs de jazz de Paris. Elle vit la nuit et ses rencontres improbables sont une source d'inspiration. La nuit, dit-elle, Paris rassemble ceux qui perdent le sommeil et la tête comme moi. Donc elle nous parlera tout ça. Ce premier EP se nomme Matelot. Je vous propose peut-être de commencer cette émission avec justement Matelot, tout droit sorti de l'EP de Lane. Et on se lancera dans cette émission avec cette interview que j'avais menée il y a quelques semaines. Voilà, je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après. Ma voix dérive Paris, les yeux trop secs pour te parler, le palpitant me fait divaguer. Arrivé devant ta porte, hirsute, digicode, 22 CD, CD, avec une cage et un dealer. Inséparable maladif, prêt à se tuer à coups de canif, sur notre perchoir parisien. Et voilà pour ce premier son tout droit sorti du premier EP de Lane. Alors je cite, quand on dit d'une artiste, quel est le croisement entre Charlotte Gainsbourg, Christine and the Queen et Claude Nougaro, on ne pouvait pas résister à l'envie de la connaître un peu plus. Elle s'appelle Lane, elle nous a accordé une interview il y a quelques semaines. On écoute ça tout de suite. Avec nous aujourd'hui au téléphone, l'artiste Lane. Lane, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien, merci. Eh ben, c'est super. Merci à toi d'être parmi nous aujourd'hui dans la bulle de l'IA. Alors, on parle de l'EP que tu vas sortir très prochainement le 25 mai qui se nommera Matelot, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, ouais. Alors, combien de temps as-tu mis pour préparer ce premier EP que tu vas sortir très prochainement? Eh ben, j'ai mis du temps à le préparer, cet EP, beaucoup. Oui. Et j'ai commencé il y a à peu près 5 ans. D'accord. Voilà. Donc il est né. J'ai commencé donc j'ai tout fait piano voix en fait. D'accord. Et donc j'ai travaillé dans mon studio pendant 5 ans à préparer cet album. Oui. Eh ben dis voilà. Donc, quel travail. Ouais. Alors on va retracer un petit peu ton parcours si tu le veux bien. Depuis quand es-tu tombé dans la marmite de la musique, si je puis m'exprimer ainsi? Eh ben je suis tombée alors très tôt, c'est-à-dire sur le j'ai déjà commencé la musique jeune. D'accord. J'ai fait le conservatoire à 6 ans. Voilà, après j'ai commencé le piano à 9. Oui. Et puis ça c'était toute la partie de mon enfance. Et puis après j'ai commencé vraiment à un peu plus me professionnaliser dans le jazz. D'accord. Vers 17 ans. Ah oui. Et là je suis partie donc à Paris. Enfin, moi je suis d'originaire de Cergy. Donc c'est juste à côté de Paris. D'accord. Et j'ai quitté Cergy pour venir m'installer à Paris et faire quelques piano bars. Trouver des soirées privées où je reprenais des standards de jazz. D'accord. Ça a été facile ce premier rendez-vous avec la musique dans les piano bars, etc. C'est un parcours que l'on trouve similaire parfois à certains artistes. Est-ce que toi, ça t'a rempli d'une expérience et d'une richesse particulière de commencer comme ça? Bah oui, évidemment. Et puis c'est vrai que la question est juste. C'est pas forcément évident parce que on est quand même confronté à des gens qui n'écoutent pas forcément toujours. Oui. Donc ça apprend à se centrer en fait, d'accord, à vraiment essayer d'être là pour ce qu'on fait et de pas trop attendre de l'extérieur. C'est oui. Vraiment un moment où on se recentre. Donc ça c'est les premières expériences où j'étais relativement jeune qui sont importantes je trouve dans la construction. D'accord. Donc toi, ça t'apportait vraiment quelque chose en plus, forcément, on le comprend bien. À partir de quel moment tu as arrêté de jouer, de te produire dans ces piano-bars? À partir de quel moment tu as commencé à faire autre chose? Alors, j'ai fait ça jusqu'à à peu près 22 ans. Oui. En parallèle, moi, j'étais déjà en train d'écrire des textes, de composer des musiques, après moi je cherchais déjà au départ je cherchais des gens pour mettre mes textes en musique. D'accord. Ça a été ma première quête qui a duré 8 ans. Ah oui. Où je ne trouvais pas. Tu ne voulais pas composer? Je voulais pas composer puis je voulais même pas forcément les chanter. D'accord. Au départ j'avais dans l'idée de les donner à d'autres artistes. J'avais pas forcément envie de me mettre en lumière. Pourquoi? Ben parce que c'était pas mon truc. Oui. En tout cas, c'est ce que je me disais. Je pense que j'étais assez réservée et puis je trouvais ça très intéressant en fait d'écrire pour les autres. D'accord. Alors puis à un moment j'ai composé des choses aussi pour d'autres. J'ai travaillé sur un album de Fiona Gélin. D'accord. Passeport. Voilà, où j'ai composé la chanson Passeport avec en co-composition avec Yves Prével. Ok. Voilà, ça a été un peu mes premières expériences et puis j'ai trouvé personne hein, finalement qui me convenait pour composer mes textes. Donc ça a été un peu naturellement, je suis venue à la composition moi-même. D'accord. Donc ça collait pas pour toi. Tu trouvais pas de personne qui rentrait un petit peu dans l'univers que tu avais créé. Bah oui, c'est ça. Puis je crois qu'en fait inconsciemment j'avais déjà tellement dans la tête quelque chose. Oui. Je voulais pas me l'avouer, mais je pense que c'était déjà tellement inscrit en moi. Que finalement, j'avais beau chercher, ça correspondait pas, jamais. D'accord. Donc tu t'es mis à composer. Ouais, je me suis mise à composer. Voilà. J'ai racheté un piano. J'ai fait une bonne petite. J'ai fait une coupure. Moi, j'ai beaucoup vécu la nuit. D'accord. Dans la musique. Donc à un moment donné, j'ai fait une vraie coupure. Et puis un jour, je suis repartie comme ça, acheter un piano sur une impulsion. D'accord. Et je l'ai installé chez moi et le soir même, je commençais à composer mon album. Voilà. Waouh. Eh bien. Et puis tu t'es mise aussi forcément à chanter tes textes. J'imagine que tu as dû un petit peu prendre sur toi pour dépasser, te faire violence un petit peu pour dépasser cette première timidité que tu avais pour un petit peu interpréter tes propres textes. Est-ce que ça a été facile pour toi de commencer à composer, chanter? Bah en fait c'est marrant parce que c'était pas du tout, alors c'est la vie a vraiment plus d'imagination que nous hein, parce que on se raconte plein de choses et en réalité le premier concert que j'ai fait en 2015, septembre 2015, où je suis remontée sur scène, il y a un tourneur qui m'a proposé une date, je venais à peine de terminer mes titres. D'accord. Et en fait je suis remontée sur scène et avec mes textes et c'était un peu une évidence. Voilà, ça s'est fait très naturellement. Je me sentais ancrée quoi. Il y avait quelque chose de, c'était plutôt doux, tu vois. Oui. C'était pas une bataille en fait. C'est devenu naturel. Chouette. C'est devenu naturel, ouais. Quelle découverte fabuleuse avec cet artiste Lane qui nous fait découvrir son univers et qui nous parle de son premier EP qui est bien sorti le 25 mai dernier. Installé maintenant depuis 6 ans dans la capitale, Lane s'est pour un temps épuisé dans son art. Lane avait 23 ans. L'heure était à la reprise des études, à la recherche d'un emploi stable, de quoi rassurer ses proches. J'ai tenu 3 ans pendant lesquels mon album est né, dira-t-elle, car paradoxalement, elle a trouvé sa liberté créatrice dans cette période-là, dans le carcan d'une vie réglée au millipoil. Alors, on va continuer avec tout simplement une deuxième bulle de son tout droit sortie, comme vous vous en doutez, de cette EP nommée Matelot. Ce nouveau son se nomme L'Appel d'air. On écoute tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. L'appel d'air m'appelle au-delà. Sur le jardin squatte l'anaconda qui grimpe le lierre et fume. Tes mégots, ici tu l'entraînes, station d'hydro. Et si tu l'embrasses sous la bouche, ça me dévaste et je me déverse dans la Seine. Dégueulasse. Comme des mégots. Et des mégots, et des mégots. Cours si ça passe, pour plus vite oublier l'odeur cruelle et vaste des histoires. L'appel d'air. sous le jardin, tous les camélias qui retournent la terre, retournent à la terre, comme tes mégots, ici tu l'entraînes, ici tu l'entraînes, ici tu l'embrasses, ça me dévaste et je me déverse dans la Seine, ça me L'appel d'air tout droit sorti de l'EP de Lane qui a fait son entrée eh bien, dans les bacs et sur voilà, toutes les plateformes d'écoute de musique hein, pour son EP Matelot. Alors Lane, c'est celle qui est tapie dans l'ombre hein, de ce patronyme évanescent. Eh bien, elle en découdra avec vos sentiments, elle creuse dans vos émotions pour en ressortir le beau tout le temps, le dur souvent, l'inavouable. Parfois, Lane, elle est parisienne, elle est aussi discrète qu'excentrique. Centrique et imprévisible, elle a choisi la musique pour explorer son fort intérieur, mais c'est aussi du vôtre qu'elle parle. Lane fait dans l'électro, le rock, la pop sombre, et c'est dans la langue de Bashung qu'elle a décidé de s'exprimer, et elle a bien fait, hein, tant ses métaphores crépusculaires sont comme des coups de poing reçus en pleine face, pile dans nos égos. Et si on continuait d'écouter tout simplement, eh bien, cet artiste Lane qui nous a accordé une interview il y a quelques semaines pour parler de la sortie de son EP, mais pas que, hein, focus sur son parcours. C'est donc reparti pour la suite de cette interview avec Lane. Quel univers t'es-tu construit dans ta musique? Comment tu décrirais un petit peu l'univers dans lequel tu es musicalement? Ben, je dirais que, alors moi déjà, je suis beaucoup imprégnée par la chanson française, oui, les textes. Donc moi c'est vrai que je suis quand même une grande amoureuse d'Alain Bashung. D'accord. Donc et particulièrement des textes de Jean Fauque. D'accord. Voilà, donc ça c'est vraiment moi je me rappelle d'avoir découvert ça, j'étais gamine et fantaisie militaire et puis j'avais 9 ans, 10 ans. Et puis je me suis dit en écoutant La Nuit je mens, ça a été la sensation d'un barrage qui cède, tu vois, j'avais un... Oh, je me suis dit, mais c'est fou parce que la profondeur et la puissance de ces textes, il y avait quelque chose de différent. Il y avait des images, des mots qu'on n'attendait pas. Voilà, il y avait une manière de jouer avec la langue française qui, moi, a été un déclic pour moi, je pense, un des premiers. Oui. Voilà, après, bon, évidemment, j'ai mes classiques, hein, j'ai Nougaro, mes parents écoutaient énormément Nougaro, William Scheller énormément aussi... plein d'autres, Léo Ferré, bon Léo Ferré, moi j'adore Léo Ferré, Barbara, voilà, tous ces grands artistes déjà qui avaient une manière d'interpréter et puis de, tu vois, il y a la prononciation, oui, la prononciation des mots. Y tu avait es une amoureuse des mots. Ouais, énormément. Est-ce que tu avais suivi un petit peu des études dans le littéraire pour être amoureuse des mots comme ça, ou vraiment ça a toujours été en toi? Alors, je pense que ça a toujours été en moi. Après, oui, en effet, j'ai fait des études littéraires. D'accord. Voilà. Alors après, j'aimais lire. Je ne lisais pas énormément, mais quand je rentrais dans des phases obsessionnelles de lecture, Je pouvais d'un seul coup en lire, tu vois, lire 4 bouquins en 2 semaines. D'accord. Voilà. Mais après, j'avais des grosses coupures. C'était toujours un peu compulsif. Petite overdose, mais... et puis après, on est reparti. Voilà. Petit sevrage. C'est ça. Ça me fait pareil quand j'écoute des titres. Tu vois, j'ai des périodes comme ça où j'écoute des nouveaux artistes. Pendant un petit moment, j'écoute, oui. je découvre. Et puis après, je fais des pauses. Comme pour digérer. Voilà. Et ben voilà. T'as bien raison. Est-ce que tu es un petit peu issu d'une famille de musiciens pour voilà avoir eu ce parcours-là dans la musique ? Alors j'ai pas forcément. Alors j'ai un père qui a chanté dans un groupe de rock quand il était jeune, mais bon ça je suis pas sûre que ce soit vraiment. Même s'il était super, hein, moi j'ai vu des vidéos, il est top. Mais non, j'ai pas forcément des parents musiciens. J'ai des grands-parents qui sont davantage musiciens. D'accord. J'avais une grand-mère qui était violoniste. Ah oui. Une grand-mère paternelle violoniste, voilà. Et un grand-père paternel champion de claquettes, figure-toi, c'est très drôle. C'est voilà, génial. Ça c'est pas. Ça, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore appliqué moi dans mon truc. Mais non, autrement, sur les, mes parents non. Ils possèdent dans des entreprises. Enfin, ils étaient voilà, rien à voir avec avec la musique. Ok, un petit clip en claquette, ça peut être sympa. Mais j'y pense. Ça serait tellement bien. Alors, donc on le voit, hein, tu as vraiment un style et puis eh bien un univers bien à toi. Tu fais plutôt dans l'électro, la pop. Comment tu exprimerais ton style ? Bah, je dirais moi que c'est de la chanson française avec de l'électro, mais ouais. en même temps, c'est très compliqué d'enfermer. Enfin, tu vois, moi, je trouve que c'est très difficile de dire ce qu'on fait exactement. Oui, oui. Il n'y a pas vraiment de définition. Je crois que je suis encore en train de réfléchir à la définition exacte de ce que je fais. Et puis, être mis dans une case, ce n'est pas forcément très agréable. Et on peut se laisser la liberté en tant qu'artiste de pouvoir faire plein de choses différentes. Exactement. Tu vois, la preuve, dans mon EP, il y a un piano-voix que j'ai laissé piano-voix. Et j'ai vraiment insisté là-dessus parce que c'est un peu mon premier titre. Je le voyais pas avec plus de choses que ça. Donc voilà, je m'octroie un peu la liberté de faire ce que je ressens. Voilà. Eh ben t'as bien raison. Alors justement, eh bien ton EP il sort très bientôt, hein, le 25 mai. Il se nomme Matelot. Alors pourquoi ce nom ? Alors Matelot, parce que c'est un des titres de l'album. Oui. C'est le titre phare, j'imagine. C'est le titre phare. Voilà, donc j'avais envie de l'appeler comme ça. Et puis, si tu veux, dans les textes, il y a beaucoup de références à l'eau. D'accord. C'est, je pense que c'est pas forcément, c'est un peu inconscient chez moi, mais il y a beaucoup d'images avec l'eau, que ce soit dans le reflet des drapeaux pour parler de la perte, de la mort, ou cette histoire d'amour, qui est Matelot. D'accord. Voilà, donc du coup, ça, je trouvais ça plutôt juste d'appeler l'EP comme ça. Si on a envie d'écouter ce premier titre, eh bien, il est déjà disponible sur certaines plateformes comme Deezer, par exemple, où on peut écouter ce premier titre Matelot sorti de ton premier EP, qui en contiendra combien des titres ? 4. 4 ? Ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'ils ont tous un univers bien à eux, ces titres, ou est-ce qu'ils ils sont tous un petit peu sur la même lignée de ce piano-voix ? Non, justement, le piano-voix est peut-être l'exception. D'accord. Dans les 4. Le reste, même dans l'album à venir, très électro, il y a parfois du trip-hop. Voilà, je dirais que la fin de l'hiver, l'appel d'air et Matelot sont quand même un peu dans la même mouvance. Oui. Et puis, il y a le reflet des drapeaux qui, lui, est un peu l'exception. Eh bien, Lane nous parlait dans cette interview à l'instant de son son, le reflet des drapeaux. Eh bien, je vous propose tout simplement d'écouter ce titre sorti de son EP. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Sommes-nous là, prêts à défaire ? Ceux qui restent cherchent les mots. Sous-marin du désert qui se prend à rêver d'eau. D'eau de pluie sur la mer. comme ces taches sur ta peau. Souverain du geyser qui se prend à rêver d'au-delà, d'au-delà des frontières. Car ce qui reste cherche l'écho. C'est entre ciel et terre que j'ai vu dans les yeux de ma mère le reflet des drapeaux. Au coin du feu, j'entrelace mes doigts de pied entre les tiens comme je suis bien. Au coin de la rue, je t'embrasse, même si ça te gêne, je t'enlace comme je suis bien. Dans ton jardin, je piétine les pieds de rhubarbe et tous les baisers que je goûte dans. Sommes-nous là, prêts à refaire? Quand ce qui reste cherche l'écho sur les berges familières où je sais les graines de pavot. Mais toi tu rêves alors, rêve donc. Et sur mon embarcadère se cognent les bateaux que recrache la mer. Et quand je te cherche, que mon cœur s'accélère, je retrouve dans les yeux de ma mère le reflet des drapeaux. Au coin du feu, j'entrelace mes doigts de pied entre les tiens comme je suis bien. Au coin de la rue, je t'embrasse, même si ça te gêne, je t'enlace comme je suis bien. Dans ton jardin, je piétine les pieds de rhubarbe et tous les baisers que je goûte. Sophie alias Lane se présente au grand public avec un premier EP, vous l'avez compris, se nommant Matelot, composé de quatre titres, et à son écoute, eh bien, on sent que la chanteuse est faite pour durer et pour faire beaucoup de bien à la chanson française dans les années à venir. Alors je cite 4 titres, c'est bien, mais c'est beaucoup trop court quand c'est aussi bon. Mais ce premier rendez-vous en appelle d'autres et il permet de patienter jusqu'à l'arrivée, eh bien, d'un album. Lane entre par la grande porte dans le paysage musical en France. On apprécie sa poésie, ses mélodies, ses textes qui ont quelque chose de viscéral, sa voix et son univers nocturne que je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Lane nous a accordé une interview, on la retrouve tout de suite. De quoi tu t'inspires pour écrire tes textes ? Eh bien, je m'inspire de... Alors, c'est plein de choses différentes, je pense qu'il y a un peu de ma vie, d'accord, mais c'est toujours très imagé. Donc, en réalité, c'est vrai que je calque pas forcément quelque chose de concret, tu vois, je sais pas écrire de manière très concrète les choses, je décris pas une situation précise. En revanche, c'est un mélange de ressenti profond, de digestion, parce que comme je disais, moi je trouve ça hyper important, peut-être pour ça que j'ai mis autant de temps à le faire, d'intégrer les choses, tu vois, il y a quelque chose de dépassionné qui pour moi est important dans l'écriture. D'accord. Même si à la base c'est de la passion dans ce qu'on a vécu ou dans ce qu'on ressent quand on veut le retranscrire, mais il y a besoin, je pense, de dépassionner les choses pour arriver à les coucher sur le papier. Oui. Voilà, pour que ce soit pour que ce soit aussi entendable. Hein, parce tout que, à tu fait. Vois, il faut aussi que les gens puissent s'y retrouver et donc du coup il faut que ce soit écoutable et compréhensible. Voilà, je dirais que c'est ça. Et puis il y a des histoires aussi d'autres gens, tu vois. Moi, j'ai tellement vécu la nuit, j'ai tellement croisé des gens fous en fait, mais dans le sens positif, hein. Mais oui. Des gens incroyables en fait, des personnages que du coup ça m'inspire énormément. Eh ben oui, j'imagine bien. Est-ce que tu as fait des rencontres un petit peu décisives dans ton parcours musical? Ah oui, j'ai fait des rencontres décisives. J'en ai fait une magnifique. Oui. Sur toi, quand alors, je te parlais de Bachon l'autre jour et tout à l'heure. Et puis, en fait, j'ai rencontré Jean Fauque par hasard. En fait, par hasard au Francophonie. D'accord. Et puis, je le croise dans une soirée, machin. Et en fait, on a discuté et on s'est très bien entendu. Et puis, en fait, je lui ai fait écouter les maquettes que j'avais. Oui. Il a beaucoup accroché. Et on a décidé de travailler ensemble. Waouh. Donc ça déjà, c'est assez, c'était fou. Enfin, voilà, avoir cet homme-là qui me disait qu'il aimait ce que je faisais. Tu vois. Oui. Et puis on a donc décidé de m'écrire un texte. D'accord. Voilà, qui fera partie de l'album. Ah. Est-ce que on peut savoir quand est-ce que cet album verra le jour? Ouais, bien sûr, à la fin de l'année. À la fin de l'année, on se tiendra. Il n'y a pas encore de date précise, mais voilà. Ok, donc là tu as accepté que quelqu'un écrive un texte pour toi, alors qu'à la base tu voulais écrire toi des textes pour quelqu'un d'autre. C'est marrant. Oui, mais alors c'est vrai que là je pense que j'en trouve que c'est un peu une exception. Voilà, c'est ça. Je pense que là on peut accepter ce petit écart, on va dire. Ouais. Là j'avoue que je suis quand même inclinée là. T'as eu bien raison. Est-ce que combien de temps ça a mis pour que tu enregistres cette EP? Comment tu l'as enregistré? Est-ce que tu as été en studio? Est-ce que tu l'as fait d'une autre manière? Alors tu parlais de rencontres décisives, il y en a eu d'autres. Ouais. Et il y en a eu une très importante. Parce que bon, je te parlais de toute la partie compo, tu vois, qui était un peu compliquée pour moi avec d'autres. D'autres artistes, mais après, une fois que j'ai composé, il est arrivé un nouveau problème qui s'est posé, c'est l'arrangeur. D'accord. Et donc là, il a fallu trouver encore quelqu'un qui ressente les choses. Et là, pareil, ça a été aussi très compliqué parce que j'ai essayé de travailler avec plein de gens, oui. Très talentueux, hein, formidables, mais encore une fois, ça ne matchait pas. Et puis, en 2016, j'ai fait la rencontre d'Ipsa. Qui lui avec qui j'ai commencé à travailler et ça a été mais ça a matché tout de suite. C'est-à-dire que c'était assez fabuleux, on a travaillé ensemble, ensuite on a fait des essais et tu sais c'était comme alors on a appris à se connaître en même temps, tu vois. On, oui. Il y avait une vraie discussion autour du projet, c'était pas juste lui qui calque son monde sur le mien, il y avait vraiment un truc d'entente et de travail ensemble qui était assez fort. Mais voilà, ça a été une des plus belles rencontres artistiques que j'ai eues et d'ailleurs il collabore sur la totalité de l'album. Et oui, j'imagine. Donc tu as trouvé une vraie complicité avec cet homme-là qui est venu collaborer avec toi sur ce projet. Ouais, ça fait. De quoi tu as besoin pour justement, comme tu le dis, que ça matche avec quelqu'un qui va collaborer avec toi sur tes projets artistiques? De quoi j'ai besoin, oui. Tu veux dire, ouais, je dirais que déjà il y a besoin d'une vraie rencontre humaine. D'accord. C'est très important pour moi de ressentir l'autre, tu vois. Et que on soit honnête l'un envers l'autre, qu'on soit respectueux, qu'on soit passionné. Mmh. Voilà, je pense que c'est trois choses très importantes. Et puis après, moi j'aime bien les gens fous, hein, donc lui je pense qu'il est fou. Franchement il est extrêmement talentueux, c'est vraiment, et voilà, c'est un petit grain de folie. Ouais. Ça fait plaisir, un petit grain de folie. Il faut en avoir des grains de folie. Il faut pouvoir vivre de façon spontanée, aimer la vie. Et ça, c'est chouette. Mmh. Alors, donc, tu nous parlais de plusieurs années pour créer cette EP. Comment, concrètement, il a vu le jour? Alors, Bah, en fait, j'ai signé avec le label Néogène. D'accord. J'ai signé en octobre 2017. Oui. J'ai rencontré Malcolm Crespin, donc qui lui avait un peu laissé Néogène de côté, qui était un label qui avait très très bien fonctionné il y a 10 ans. D'accord. Et puis on s'est rencontrés et il a décidé de remonter dans l'arène pour le projet de Line. Voilà. Ok, ça c'est donc plutôt ça, sympa. Ça c'était assez fabuleux aussi. C'est lui qui est venu à ta rencontre ? Tout à fait. C'est lui qui est venu à ma rencontre en fait. Il a entendu ça chez Ivsta par hasard. Et puis on s'est, voilà, il a décidé de m'appeler et on s'est très bien entendu pareil, humainement aussi, tu vois. Déjà, il y avait quelque chose de très familial, tu vois. Oui. Quelque chose de familial, voilà, moi je voulais pas être un. Je veux pas que ce soit un truc ou avec un numéro parmi tant d'autres, tu vois, j'avais envie vraiment d'une relation proche. Oui. Et puis voilà, Malcolm, c'est quelqu'un de vrai. Donc il y a déjà Malcolm et puis il y a eu aussi un truc fabuleux, c'est Didier Varro, de France Inter. D'accord. Lui a découvert pareil le projet par hasard et est venu me proposer. En fait, c'est l'EP s'est terminé en janvier 2018. D'accord. Et il est venu me proposer une résidence sur France Inter. Ah oui. Donc je suis passée en résidence sur Inter en mars pendant 3 semaines. Donc ça aussi c'est pareil, hein, c'est quand même assez fabuleux quoi. C'est super. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, tu sais, c'est ce qu'on dit. Et je pense que ton chemin de vie et ton chemin dans la musique, eh bien, c'était l'endroit exact où tu devais te trouver. Et on te souhaite plein de bonnes choses. Parcours pour le moins atypique, mais fabuleux pour cet artiste Lane, eh bien, qui a su s'entourer de plein de personnes qui vont voilà, la faire grandir musicalement. On écoute tout de suite la fin de l'hiver pour notre prochaine bulle de son, la fin de l'hiver par Lane. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Sauras-tu la fin de l'hiver? J'ai abattu pourtant des forêts entières. J'ai jamais su m'enfuir. Je trace le monde par à coup, phénomène. Et je crame dans l'arène, et crame dans l'arène, et chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, à la fin de l'hiver. J'ai pris la chambre avec vue sur la mer. On voit l'Irlande, l'Irlande et les forêts entières. Un lion dans l'arène, je vris cinglé. T'es dans ma tête et c'est la jungle, et c'est la jungle. Chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop chop la nuit, le jour, je suis des gens, le fort, je gèle, gèle, gèle en canadienne, à South Port, je t'aimais encore, j'ai oublié la nuit, j'ai oublié les gens, j'ai oublié la fin. Devant ta porte, mon corps prend l'eau, je t'ai lassé, laissé peu. haut le cœur ou peu importe, j'ai oublié la fin. En porte-à-faux ou peu importe, mon corps, ton cœur, celle-là s'est laissée, peu importe. Des idéaux, des vagues et haut les cœurs devant ta porte, j'ai oublié, j'ai oublié. Si le jazz est effectivement sa première musique, celle de son enfance, Lane se rappelle avoir été bouleversée par une certaine fantaisie militaire. Elle avait 9 ans quand elle a entendu cet opus de Bachfunk dont elle retient la sensation de barrage qui cède la liberté des mots. On suivit la découverte de Léo Ferré, de Nougaro, de Barbara ou de Philippe Léotard qui l'ont confrontée dans la recherche d'une autre beauté moins évidente, moins accessible. Elle écrivait donc une maison de disques s'est intéressée à elle mais entendait simplifier ses textes pour les rendre plus abordables. Lane a résisté. Je suis ce que je suis, je ne vais pas m'inventer une autre histoire. Ce projet est alors resté sans suite et pour notre plus grand bonheur car cette EP de 4 titres est maintenant disponible sur toutes les plateformes d'écoute musicale. On a eu la grande chance de pouvoir l'avoir au téléphone il y a quelques temps. C'est reparti pour la suite de cette émission. Alors est-ce que tu es encore sur l'écriture de l'album qui sortira fin de l'année ? Oui, tout à fait. Alors moi j'ai beaucoup de titres qui sont déjà là, oui. Déjà prêts. Mais comme je peux pas m'arrêter de créer, j'en rajoute. Alors je dis non mais attends, on va mettre celui-là aussi, tu vois. Donc voilà, je suis tout le temps en train de créer, j'en ai besoin. C'est quoi qui voilà, est-ce que c'est pour toi comme une soupape, un moyen de te décharger, d'écrire ? Comment tu exprimerais ça, cette créativité dans l'écriture ? Bah oui, je pense qu'il y a de ça. Il y a une part, c'est marrant parce que je trouve que dans l'écriture il y a des moments qui sont un peu douloureux aussi. Oui. Voilà, comme tu dis, comme si on se soulageait de quelque chose. Et puis après il y a cette première partie là qui est plutôt impulsive. Moi j'écris de manière un peu, tu vois, en général la base de la chanson, elle existe en une ou deux fois. D'accord. Et puis à partir de là rentre l'autre partie qui est aussi passionnante mais tout aussi différente, la partie du travail. C'est-à-dire qu'à partir de cette base fait la chanson déjà, je rentre dans une phase de travail qui est beaucoup plus longue. D'accord. Donc l'écriture, c'est un petit peu le truc que tu préfères, quoi. Ouais, j'adore ça. J'adore ça, ouais, vraiment. Le travail, ça représente quoi quand tu le dis ? C'est quoi ? C'est composé autour de ces mots ? C'est trouver comment tu vas présenter ce morceau ? C'est quoi ce que tu appelles le travail ? Bah, le travail, c'est d'affiner. Oui. C'est-à-dire d'affiner. Moi, j'essaie de travailler vachement sur le flow aussi, tu vois. D'accord. C'est un peu ma manière à moi de bosser. Et puis oui, après c'est plein de petits détails au niveau de la musique, des accords, d'amener la chanson quelque part, quoi. Tout à fait. De particulier, quoi. Est-ce que tu fais passer à travers certaines de tes chansons un message pour les gens parfois qui t'écoutent, pour le public qui te suit ? Est-ce qu'il y a des messages forts que tu abordes ? Eh bien, à la base, pas forcément. Je fais pas ça trop pour ça. Et en même temps, c'est le résultat. Donc du coup, souvent on m'a dit après des concerts, oui c'est super Mato, j'ai l'impression d'avoir vécu cette histoire, voilà. Les gens se reconnaissent et pourtant le texte il est pas toujours évident. Oui. Il est un peu, tu vois, je sais que j'écris pas de manière très très évidente au sens c'est un peu perché parfois, je pense. Il y a beaucoup subliminaux. Beaucoup de messages subliminaux et pourtant les gens se retrouve là-dedans. En tout cas, c'est l'écho qu'on en a fait. Bah, c'est plutôt chouette. Est-ce qu'il y a des concerts auxquels on va pouvoir assister pour te retrouver ? Bien sûr. Alors, il y a un gros concert le 29 mai au 3 Baudet. D'accord. Pour la sortie de l'EP. Voilà, donc ça, celui-là. Je serai aussi le 23 mai au réservoir. Ce sera plus court, je ferai quelques titres. D'accord. Mais le 29 mai, c'est un concert important. Ok. Voilà. Est-ce qu'ensuite, à la sortie de ton album, il y aura peut-être une tournée qui sera préparée? Est-ce que tu le sais déjà ou est-ce qu'on verra plus à ce moment-là? C'est en plein en préparation, tout ça. Donc, oui. Pour l'instant, j'ai pas encore de choses précises à dire, mais en tout cas, c'est là. Et puis, tu as le temps. Voilà. Tu as le temps. Alors, si on veut te retrouver, eh ben, ça se passe sur Facebook, Instagram, YouTube. On tape L-A-I-N et on te retrouve. L-A-I-Tréma. Oui, Tréma. L-A-I-Tréma. Exact. Ne pas oublier le Tréma. Et on te retrouvera directement. Et puis, on saura toutes les infos. On en saura plus sur tes sons, etc., etc., sur toute la personne artiste que tu es. Il y a une très belle pochette pour cette EP. Qui l'a conçue? C'est Laurie Freeman. Oui. Qui est plasticien. En fait, il fait plein de choses. Il est plasticien, peintre, photographe. Et il a fabriqué... En fait, c'est un objet qui existe vraiment. C'est un vitrail. D'accord. Qu'il a fabriqué. Donc, qui a pris un an. C'est fou. Oui. Et voilà. Donc, on a décidé de... Enfin, en tout cas, moi, j'avais envie que ce soit cette pochette de paix et qu'on le prenne en photo et que ce soit un objet à la base. J'aime beaucoup quand il y a des objets à la base, tu vois, qui existent vraiment physiquement. D'accord. Je trouve ça assez fort et c'est un objet que je trimballe un peu comme un gris-gris. Alors, on l'amène souvent dans les lives, on le suspend. Ah oui? Voilà, tu vois, ouais. Ça a été fabriqué exprès pour toi? Oui, exprès pour moi. Waouh, quel honneur. Bah oui, c'est ça. Non, mais c'est formidable. Il y a plein de gens incroyables qui m'entourent. Franchement, c'est génial. Eh ben oui, on le voit, c'est super. On te souhaite plein de bonnes choses. Lane, est-ce que tu as encore quelque chose peut-être à nous dire? Eh bien, non, mais suivez-moi le plus possible. Soutenez-moi sur Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, et puis venez nombreux le 29 mai au Trois Baudets. Eh ben oui, pourquoi pas. On passera une belle soirée ensemble. On le souhaite. On te souhaite plein de bonnes choses. Lane, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à la bulle de l'IA. On te souhaite plein de bonnes choses, plein d'écritures, plein de boulimies multiples. Et puis, voilà, une très, très bonne route à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous avez bien entendu été conquis par cet artiste Lane avec qui nous avons mené cette interview. Encore merci, mille merci à elle. Vous retrouverez son EP un petit peu partout sur les plateformes d'écoute. Si vous avez envie de suivre cet artiste, ça se passe sur Internet. Un site Internet lui est dédié, le sien d'ailleurs, laneofficiel.com. On remettra bien sûr le lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Elle se trouve également sur Facebook, L-A-I-T-R-E-M-A-N. Vous ne pourrez pas la manquer. Sa photo de profil, c'est tout simplement la photo de son EP, ce fameux vitrail qui a été conçu rien que pour elle, c'est magnifique. Je vous laisserai le découvrir directement, sa page Facebook. Quant à nous, on se retrouve demain. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec nous. En attendant, c'est comme tous les jours, n'oubliez pas, bonheur, rire et joie à tous. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.